dans les bons moments. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Il est grand temps que je me bouscule, mais pour l'instant je fais ce que Jacques a dit. Je fais même ce qu'il pense. Dis Jacques a dit de ma conscience. Et mannequin pisse pisse, la tour Eiffel se fait. Et moi j'attends, j'attends depuis longtemps. J'attends le bon moment. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Mannequin, bis bis, la tour Eiffel se fait.